Hola, la quina de xau de tot el Orient, d'origen armeni, i tant arribava, podia presentar i interpretades en 8 llenguatges. Va escriure o coescriure altres arts de maig, 94 anys. Je me suis dit, moi qui partais le matin, j'étais un peu peiné, je ne me sentais pas bien. Comme le destin veille sur moi gentiment, elle était revenue dans mon compartiment. Le train en roulant faisait un vacarme infernal, sur la banquette en bois on était plutôt mal. Mais quand elle prit ma main pour se faire pardonner, tout contre mon épaule elle s'est appuyée. J'étais si bien, je ne disais rien, intéressé me laissant griser. Je l'écoutais et je goûtais les mots très doux que tout bas elle disait. Sous le premier tunnel très fort je l'ai serré, sous le second tunnel un baiser fut volé. Puis nous sommes descendus dans une gare inconnue pour cacher notre amour dans un petit coin perdu. Cançons com aquesta que estem escoltant de fons en debutava Charles Aznavour amb senzills enregistrats amb 78 revolucions per minut al costat de l'actor que també el va acompanyar al principi de la seva carrera artística, Pierre Rocher. Aquí l'escoltàvem des del 1948 amb les cançons com aquest Depart Express o per exemple també amb una altra de les peces que es trobaven incloses a les diferents cares que portaven aquests àlbums editats per Polydor en el seu moment. Era a final de la dècada dels 40. Il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés. Il marchait à pas contenus, boulevard Raspail. Il suivait des inconnus chaque soir le long des rues pour leur dire l'air ingénu. Il portait un peu trop tombé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très imprudent car il risquait de se faire écraser tout le temps. Il fuyait en s'excusant tandis que les gens disaient en s'éloignant. Il portait un peu trop tombé, il parlait par onomatopée, il buvait des cafés frappés avec des pailles. Il était très dégingandé, il fumait des camels parfumés, il marchait à pas combinés, boulevard Raspail. Il suivait d'une inconnue, lui parlait d'un air ému. En voici ce qu'on a retenu, petit bapin, elle était très intéressée, se laissa très très vite inviter à prendre un bon café frappé avec des pailles. Elle lui plaisait fortement quand elle parlait, il n'osait plus faire un mouvement. Elle riait de son étonnement, mais elle se laissa courtiser car justement elle aimait son feutre son parler par onomatopée. Aussi les cafés frappés avec des pailles, elle était blonde. Charles Aznavour va néixer a la clínica Tarnier, a la rue de Sas, a Saint-Germain-de-Pré, a París, amb una família d'artistes que vivien per la rue de la Mozart-le-Prince. Va néixer amb el nom de Chanou, com us hem comentat abans, amb els seus pares immigrants armenis, a Michel Inar, un armeni de Smirna, de la part de Turquia. El seu pare cantava en restaurants a França abans de crear, d'establir un restaurant caucasià anomenat Le Caucas. Aviat el van introduir els seus pares a interpretar música ben aviat. A l'edat de 9 anys ja ens deien que havia abandonat l'escola per, sota el nom d'Aznavour, començar a cantar. La seva primera oportunitat en va esdevenir quan el 1946 l'Edi Piaf el va escoltar cantar i se'l van portar amb ella de tour per França i pels Estats Units. També cal resaltar que durant la Segona Guerra Mundial en Charles Aznavour i la seva família van ajudar a molts de jueus i també molta altra gent que eren perseguits per els nazis. Ell i la seva germana Aida ho van fer en moltíssimes ocasions. Com hem dit, en Charles Aznavour ben aviat va començar la seva trajectòria artística i també en diverses pel·lícules. També recordem que ja a l'edat de 9 anys, amb un petit diable a París i amb un film titulat La guerra dels gossos. i que ens aportava doncs, al costat. Després, a partir del 44, amb l'actor Pierre Rocher, com us hem dit, van iniciar una relació professional i també una sèrie de col·laboracions en diferents nightclubs de París. Va ser a través d'aquesta relació quan Charles Aznavour va començar a escriure les seves pròpies cançons. Els seus primers èxits musicals van esdevenir en cançons com aquestes que hem escoltat als anys 48-50, sobretot al Canadà. Mentrestant, en Charles Aznavour va escriure la seva primera cançó titulada Je Vous al 1950. Mon cœur est perdu d'obsession, il bat en répétant tout au fond de moi-même. Una cançó, doncs, de Charles Aznavour, que també podríem escoltar a través del nostre programa. Avui estem portant a terme un programa especial dedicat a la música de Charles Aznavour a través del nostre programa de Olala Music. J'ai bu, j'ai joué, et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi, j'ai perdu. Alors j'ai bu, oh, j'ai bu. J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme, mais toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris que j'étais perdu. Alors j'ai bu, et fou, j'ai compris malgré ma tristesse, dans la douceur de cette ivresse, que tu mentais, j'ai bu. Pourtant, je t'aimais d'un amour sincère, mais un jour malgré mes prières, tu m'as quitté, n'en parlons plus. Alors j'ai bu, fin whisky gin. Tous les alcools me sont permis, ceux qui me chagrinent. Si des barmen, je suis l'ami, des réverbères, je suis l'ennemi. Sur le palier, le trou de serrure joue à cache-cache avec ma clé. Ma maison a une drôle de mine, tous les objets font philippine. Ah, j'ai bu, j'ai joué et j'ai tout mis sur le tapis. À la roulette de la vie, t'as tout gagné, moi j'ai perdu. Alors j'ai bu, oh oui, j'ai bu. J'ai dit les mots qui passaient dans mon âme, mais toi dans ta petite tête de femme, t'as pas compris que j'étais perdu. Alors j'ai bu, et sous, j'ai vite oublié tes caresses. Je me plais bien mieux dans mon ivresse, et loin de toi je bois. Le trottoir n'est plus assez grand pour moi, en titubant je crie à pleine voix, les flics sont des petits potes à moi. Je bois. Je suis heureux et ce qui fait ma joie, je ne penserai plus jamais à toi. Et c'est pour ça que je bois. Charles Aznavour à Olala Music. Bona música, bons ritmes, bones cançons, excel·lents temes que ens portava aquest intèrpret. Charles Aznavour, durant els començaments de la seva carrera artística, com hem comentat abans, també va obrir per Edith Piaf al Moulin Rouge. L'Edith Piaf va ser qui li va dir que intentés seguir en el món de la música i en el món del cant. L'Edith Piaf va ser qui el va ajudar més a desenvolupar aquesta veu tan distintiva que tenia i poder tirar endavant amb el millor de les seves habilitats musicals. Se'l comparava, o se li deia, que era el Frank Sinatra francès. Cantava, sobretot, temes d'amor. Va escriure o coescriure musicals, més de 1.000 cançons, com hem comentat abans, i va enregistrar 91 àlbums d'estudi. La seva veu estava amb el format de tenor, però posseïa, com hem dit abans, aquella part tan baixa, aquesta coloració, aquesta manera d'interpretar, que podia fer que la seva veu sonés com la d'un baríton, contribuint d'aquesta manera a un so absolutament únic. A més, cal ressaltar al llarg de la seva trajectòria doncs que va cantar en cançons en moltes llengües, francès, anglès, italià, castellà, alemany, rus, armeni, neapolità, que també van ajudar que pogués interpretar, per exemple, en aquells moments al Carnegie Hall, als Estats Units i a les localitats més importants a través de tot el món. També van registrar una cançó d'un poeta armeni en Sayat Nova del segle XVIII i també una cançó popular Am Yare en armeni. Que se trist venís, la seva cançó cantada en francès va esdevenir la més famosa de les seves i la més possiblement cantada en més idiomes. com Satruïs Venezia, en italià, Venezia sin ti, en castellà, How sad Venice can be, en anglès, o en alemany, Venedig in Grau, també la podíem escoltar. La veritat és que Frank Sinatra el comparava també amb el Frank Sinatra francès, en Charles Aznavour. És un d'aquells personatges que s'hauran de destacar per sobre dels altres i amb el temps, si no ho és ja, se convertirà en una de les grans llegendes de la història de la música. De fons, escoltàvem un dels seus primers èxits, la cançó anomenada Jezebel. Aquesta la va extreure també en format de 78 en revolucions per minut l'any 1952. Ce démon qui brûlait mon cœur, cet ange qui séchait mes pleurs, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Ces larmes transpercées de joie, Jezebel, c'était toi, Jezebel, c'était toi. Mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur écrasant, piétinant, emportant mon cœur. Jezebel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers. Où es-tu, Jezebel, où es-tu? Les souvenirs que l'on doit faner sont des êtres vivants avec des yeux de mort vibrant encore de passer. Mon cœur est perdu d'obsession, il bat en répétant tout au fond de moi-même ce mot que j'aime. Non, non, mais l'amour est anéanti, tout s'est écroulé sur ma vie, écrasant, piétinant, emportant mon cœur. Jezebel, mais pour toi, je ferai le tour de la terre, j'irai jusqu'au fond des enfers en priant. Jour et nuit, sans répit. Un personatge que, tot i que li va costar triomfar, es va convertir en una referència de la música francesa. Molts handicaps. A França es comenta que al principi doncs, els ambients eren o indiferents o hòstils, i va ser a partir del 1953, després d'una gira al Marroc, que va conèixer l'escena la primera vegada al Èxit, i ho va fer al Jardí d'Hivern de Casablanca, quan el públic d'allà el va considerar ja un triomfador o li va atorgar la vitola de triomfador. Els hàndicaps, segons ell mateix, la seva veu era un hàndicap, la seva talla, els seus gestos, la seva manca de cultura, d'instrucció, la seva manca de personalitat. Li havien dit a la veu, segons, que era impossible de canviar-la, que els professors que havia consultat eren categòrics, el van desaconsellar absolutament de cantar. I vet aquí que després es convertiria, com hem explicat abans, en una de les veus més característiques de l'estudi. Als anys 55 i 56 continuava tenint èxits discogràfics. Abans havien registrat diverses cançons d'ell, escrites per ells, en Gilbert Bécaud, que també hi va triomfar. Cançons com aquesta que escoltarem ara també van triomfar en aquells anys. A Terre Garde. Tu es loin de moi, mais lorsque tombe la nuit, que tu viens dormir près de moi, j'oublie toute ma vie. Quand se ferme sur notre amour les portes de ton sommeil,

que ens acosta a aquest país portuà, armeni. Per tu, Armeni, és una cançó caritativa de l'any 89, escrita per Charles Aznavour, composta per George Gardarens, i diversos personalitats, cantants, personalitats de la televisió i comedians de l'època s'hi van unir per cantar-la després d'aquell terratrèmol, el 7 de desembre de 1988. Escoltem, doncs, aquest tema que també ens portava en Charles Aznavour. Aquesta era la peça que ens aportava i que ens conduïa en Charles Aznavour, la que vam d'escoltar també amb aquest portuà armeni. Així ens portava a Armènia amb el seu cor i amb el seu record. Estàs escoltant un especial de música de Charles Aznavour a Olala Music. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon marbre en ce temps-là a

et à mon côté aujourd'hui. C'était un plaisir, Charles. On chante en espagnol ou en français? Si, si. Vous l'aidez? Los dos, si. C'était comment, c'est moi? Je me souviens plus. Bon, écoute, si tu commençais, ce serait pas mal. Que c'est triste venir autant de amours. Que c'est triste venir quand on ne s'aime plus. Mon Dieu, oui. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les barcarolles ne viennent souligner que des silences crèvent. Et que le cœur se sert, en voyant les grondages, je changerai le mot la prochaine fois. Tabadou dibou dibou dabou, des couples d'amour. Che profonda emozione ricordare l'ayer, quando todo in Venezia mi hablaba de amor. Ante mi soledad, en el atardecer, un lejano recuerdo me viene a buscar. Ah, que calla la quietud, que tristeza sin fin. Y la luna al pasar tiene el mismo fulgor. Qué triste y sola está Venecia sin tu amor. Adieu tous les pions qui nous ont fait d'escorte. Adieu fond de soupir, adieu rêve perdu. Que c'est triste Venise, autant fabulosa aquesta interpretació de la bona música i dels bons ritmes amb Charles Aznavour. És la col·laboració que avui ens ha portat el nostre bon amic l'Àngel Rodríguez, que sempre col·labora, i avui li hem demanat aquesta peça, aquesta col·laboració especial per al programa dedicat a Charles Aznavour. Nous nous sommes aimés, nos joies se sont offertes, et nos cœurs ont battu poussés par cet instinct qui unit les amants en se fichant du reste. Tu glisses tes doigts par ma chemise entrouverte et poses sur ma peau la paume de ta main, et les yeux mi-clos nous restons sans dire un mot, sans faire un geste. Après l'amour, quand nos corps se détendent, après l'amour, quand nos souffles sont courts, nous restons étendus, toi et moi, presque nus, heureux, sans rien dire, éclairés d'un même sourire. Après l'amour, nous ne formons qu'un être. Après l'amour, quand nos membres sont lourds, au sein des draps froissés, nous restons enlacés. Après l'amour, au creux du moltíssimes cançons al llarg dels anys ens ha portat Charles Aznavour. Avui n'estem recordant algunes, possiblement tampoc les més conegudes. Recordem que l'any 1900...